comme ça. Je suis passé chez Saut. T'es passé où, toi? Vole de moi. Crache pas la foule, je vais le faire à la foule. Personne ne me dit stop. J'envoie une basse sur Snapchat. Y'a des résidus de poudre sur Père Escoff. Dans la régie, y'a l'OPJ. Y'a mon dos Jack. J'arrive mon père, je monte du rip avec mon cœur. Quatre moteurs gonflés sur le Zodiac. Bon, tu sais ce que ça coûte, hein? Tu feras un coup de papa, reste au foot. Prends mes leçons, sous commission. Prends les bros, sont dans la tête pour l'autre. C'est des jokers, t'auras pas nos cartes. J'irai derrière, c'est des marrons cartes. C'est pas encore fini, dans mon pays. Non, pour qui lui, je suis dans Mario Kart. Carte. Vas-y, les tons gravis, je fais le tour de l'Asie. Les cons sont faussés, je vais tellement crosser le crosser qui va mettre un bonnet toute sa vie. Moi je suis une pourriture, peut-être un peu trop pour eux. M'habiller en damier, claquer le papier, c'est savoureux. J'aime tous ceux qui me détestent, je vais compter tout ce qui me reste et j'irai à Bucarest pour retomber amoureux. Tous ces PD disent mon nom pour exister. Des fauteuils roulants au coma, tous excités. Ramène du cash et de l'alcool, on va fitter. Je prépare un putain de coup d'état dans la cité. Baba, j'ai perdu la notice à la main, wesh frérot, stop et tape pas ton vice. Des gros sacolades à des gros enculés qui pèsent. Pour ma soeur, vendront des armes à mon fils. J'suis mort dedans, j'fais que du blair. Frérot, j'galère, j'suis porté par l'équipe. Fin des talbins, ça sent le sapin. Des fois, j'suis entouré de tapins, j'regarde mes clips. Après, j'la séquestre, j'lui mets une garde à ma petite roumaine, j'la passe comme un gramme dans le réchaud. Pareil, j'suis refait mon bœuf sur mes fichons. Je suis passé chez son, toi t'es passé pécho. Viens de la pasta, viens, on va faire du crack. Y'a de la pasta, viens, on va faire du crack. Y'a de la pasta, viens, on va faire du crack. Y'a de la pasta. Là, on va faire du crack, on va faire du crack à partir d'aujourd'hui. C'est nous les condés, ouais. C'est qui? C'est nous les condés, ouais. C'est qui? C'est nous les condés, ouais. Contradis, pas de fils, si tu parles pas, pas de risque de chute. Au carré, France 43, pas de prise de lutte. Et dans la grosse affaire, m'appelle pas fils de pute. Frérot, le pire est passé, y'a plus rien à perdre. Chez les loups, y'a pas besoin de couronne pour être king. Monter un terrain, je suis à comme l'époque des terres. Chico barbelé, je vais lui marmeler sa breaking. Quand l'équipe poche sort ses vies, j'y pirate. Des sourires à LF, veut la paix négocier. Bouffon qui gratte pour lui compter fleurette. Ta petite sœur, la beurette, merde, ma petite sœur aussi. Bon bien, on en reparle à Avicenne. Flash de polia dans le biberon d'Oasis. Tu nous feras pas regretter tout ce qu'on gagne. N'a pas toujours le choix, on partage.